Hadith. Un hadith, pluriel ahadith, est ce qui a été transmis du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ses paroles, ses actes, ses accords implicites, la description de ses traits moraux ou de son apparence physique. Un exemple de parole, les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé en fonction de son intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Un exemple d'acte, ce qui nous a été transmis concernant la manière dont il accomplissait ses ablutions. Un exemple d'accord implicite, un acte accompli par certains de ses compagnons pour lequel il est resté silencieux et ne les a pas critiqués. L'importance du hadith repose sur le fait que le hadith est la seconde source de la législation en islam après le Coran. Les livres de hadith les plus connus sont les suivants. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' al-Tirmidhi, Sunan Abu Daoud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Le hadith est formé de deux parties. En premier lieu, la chaîne, Isnad, qui concerne la validation de chaque tradition à travers un processus d'examen biographique de la chaîne des transmetteurs remontant jusqu'au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En second lieu, le texte, Matan, qui fait référence au texte du hadith en tant que tel, comme source d'autorité religieuse.